الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل أن أبدأ حاولوا أن تقتربوا بارك الله فيكم avant de commencer essayez d'avancer autant que possible بارك الله فيكم nombreux parmi vos frères sont à l'extérieur et il fait très froid facilitez-leur qu'Allah vous facilite avancez barakallahu fikum ceux qui sont à la porte essayez d'avancer autant que possible ceux qui sont à la porte essayez d'avancer autant que possible تعلمون جميعا بأن الإنسان بين الحين والآخر قد تصيبه بعض المصائب وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتجلب الحزن والهم والغم حتى إنك لتقرأ ذلك في بعض الوجوه وهنا سؤال نريد أن نجيب عنه وهو ما هي الطريقة الشرعية ما هي الطريقة الشرعية لعلاج الأحزان وإذهابها والغموم والهموم فلا سلامة للقلب ولا طمأنينة إلا بالعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وتعظيم أمري وشرعي سبحانه وتعالى وبعمارة القلوب بحبه وإجلاله وتوحيده سبحانه وتعالى وباللجوء الصادق إليه تبارك وتعالى وإظهار الافتقار بين يديه تبارك وتعالى فهكذا يا عباد الله نعالج القلب من اضطراباته عند الكرب والشدة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالذكر شفاء ودواء بإذن الله سبحانه وتعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار عديدة أرشد من أصاب كرب من أصيب بكرب أو حل به هم أو غم أن يفزع إليها علمنا وأرشدنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى آداب وأذكار عند نزول الكرب والشدة ومن هذه الأحاديث المباركة ما أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كذا كان يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدعاء العظيم دليل واضح على أن التوحيد هو المفزع في الشدائد والكروبات والهموم والغموم والأحزان. تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، مخلصا له الدين، معلنا له توحيدك وإيمانك. فهذه الآلام في القلب والاضطراب لا تزول إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أفضل الأذكار وأعظم الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأعظم علاج للأحزان والهموم والغموم توحيد الله سبحانه وتعالى بذكره واللجوء إليه. هكذا يذهب الله سبحانه وتعالى عنك الحزن والشدة. ومن أهم المهمات أن تتفقه في الدين، فلا تقول هذا الذكر وأنت لا تفهمه، بل تفقه في الدين وتعلم معنى التوحيد وحقق مدلولاته. هكذا يذهب الله سبحانه وتعالى عنك الشدة واضطرابات القلوب بتكرار هذه الكلمة. هنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. تذكر اسم الله سبحانه وتعالى وتوحيده وتلتجئ إليه وحده لا شريك له. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الكاملة العظيمة لا إله إلا الله العظيم الحليم. اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالعظيم يتضمن صفة العظمة، فالله عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وعظيم في صفاته تبارك وتعالى. وهكذا شرعه وحكمه عظيم، وهو الحليم تبارك وتعالى ذو الحلم. ثم كرر كلمة التوحيد فقال لا إله إلا الله رب العرش العظيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربوبية الله، وذكر وخص بالذكر العرش لأن أعظم المخلوقات أثقلها وأوسعها. ثم ذكر كلمة التوحيد مرة ثالثة فقال لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هنا بعد أن كرر التوحيد ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى للأرض وللسماوات وللأرض وللعرش، وصف العرش بالكرم. ويحتمل أن هذا الوصف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر قال عند الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه كان إذا حزبه أي أهمه أحزنه أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تعلم هذا الدعاء يا عبد الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إيمان بالله وبأسمائه وصفاته ومعرفة ذلك علاج الأحزان والهموم والغموم. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن أسمائه الحي والقيوم، فهو ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، له الأسماء الحسنى. وهذا يتضمن كمال جميع الصفات الذاتية، وهو القيوم تبارك وتعالى المقيم بنفسه، أو القائم بنفسه المقيم لغيره تبارك وتعالى خلقا وتدبيرا ورزقا تبارك وتعالى، برحمتك أستغيث. هنا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته، فالله أرحم الراحمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فادعوا الله مخلصين له الدين، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيه التجاء كامل من الله عز وجل ذي الكمال والعظمة، وفيه أن فرار الإنسان عند الكربات يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي يستحق أن يعبد وأن يفزع إليه، والحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هكذا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هكذا شوقها إلى هذا الدعاء العظيم: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فكرر لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى للتأكيد وترسيخا في القلب، يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه، فلا يفكر في شيء غير ذلك في توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا عمرت قلبك بالإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى وبالبراءة من الشرك، سلم قلبك وأذهب الله عنك الحزن والكرب والشدة. وهكذا دعاء ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأسأل الله عز وجل أن يسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأن يذهب عنا الحزن والغم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Vous savez tous que l'homme dans ce bas monde de temps à autre est éprouvé, soit par des choses du passé dont le souvenir lui cause de la peine, soit par des choses du présent qui le chagrinent, soit par la peur de l'avenir qui le préoccupe et l'angoisse. Al-gham, c'est le chagrin et les soucis qui enlèvent la tranquillité du cœur, et tout cela est relatif à des choses du présent. Al-huzn est relatif au passé. Et Al-Karb, c'est Al-Shidda, c'est la difficulté de manière générale. Et Al-Ham a un rapport avec le futur. Donc les soucis de la personne ne sortent pas de ces trois catégories. Soit c'est un rapport avec le passé, la perte d'un être aimé, la difficulté. Soit ça a un rapport avec le présent, la maladie, les soucis, les conflits. Soit ça a un rapport avec le futur. Et pour tout cela, une question que l'on doit se poser: quel remède nous a été enseigné dans notre noble religion? Comment purifier ce cœur? Comment éloigner de nous la tristesse, le souci et le chagrin? Car personne n'est à l'abri de cela. Un tel a perdu son travail ou se plaint de pauvreté, ou il est endetté. Un tel a des soucis familiaux ou bien conjugaux. Un tel est malade. Un tel a perdu un proche, et j'en passe. Donc il nous faut nous interroger sur cela, et la réponse bien évidemment est dans le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le remède est dans le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir vers lui de manière véridique et déterminée, en l'immensifiant lui, ainsi que sa législation, son ordre. Nous devons remplir nos cœurs de son amour, son estime, sa considération, de la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous diriger vers lui, nous montrer besogneux devant lui et ses bienfaits. C'est ainsi que la tranquillité du cœur pourra revenir. Allah nous dit selon la traduction, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans de nombreux ahadiths des invocations à prononcer lors de la difficulté, lors de la tristesse, lors de l'affliction, lors de la peine et des soucis. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors de la difficulté, La ilaha illallah al-azim al-halim. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah l'immense, le doux. Nulle divinité n'est digne d'être adorée, le Seigneur du trône immense. Nulle divinité n'est digne d'être adorée, le Seigneur des cieux, de la terre et du noble trône. Celui qui médite ce hadith et ceux qui vont suivre verra qu'ils ont tous un point commun. C'est que lors de la difficulté, de la tristesse ou de l'affliction, le croyant se sauve vers Allah subhanahu wa ta'ala et recherche le secours qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala en prononçant son nom, en l'évoquant, en concrétisant le monothéisme. C'est ainsi qu'Allah azza wa jal soigne le cœur du croyant. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons un souci, la première chose vers laquelle nous nous dirigeons, les causes. Nous allons voir un tel a un poste, un tel a des connaissances, un tel a de l'argent, du pouvoir. Et on délaisse le Seigneur des causes, Allah subhanahu wa ta'ala. Non, chers frères, prends exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il avait une difficulté, il se dirigeait uniquement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, il faisait les causes. Donc, soigne ton cœur avec l'unicité d'Allah, la foi en lui. Donc, il a répété dans ce hadith à trois reprises, La ilaha illallah, nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Celui qui remplit son cœur de l'unicité d'Allah azza wa jal, se sortira de toute difficulté. Et ça n'est que pour cela qu'il a été créé. Donc c'est la meilleure parole par laquelle le cœur s'apaise. La tristesse et l'affliction s'estompent. Puis il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite des attributs d'Allah azza wa jal et il nous montre de sa perfection, il nous montre de sa domination suprême subhanahu wa ta'ala, en disant qu'Allah azza wa jal est l'immense, le doux. Puis en nous montrant qu'Allah Azza wa Jal est le maître des cieux et de la terre, et tout particulièrement du trône, qu'il a cité cela car c'est la créature la plus grande, la plus lourde et la plus immense. Donc Allah Azza wa Jal est le Seigneur de toutes choses. En prononçant ces paroles, en les méditant, en concrétisant ce qui en découle, il ne restera aucune peine dans ton cœur, ô cher serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était préoccupé ou avait une tristesse, disait « Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith. » Ô toi le vivant, Ô toi qui subsistes par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister, je t'invoque ou bien je cherche le secours auprès de toi de par ta miséricorde. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que parmi les plus grandes portes qui mènent à Allah, au secours, il y a la connaissance d'Allah et son invocation à travers ses noms et ses attributs. Ya Hayy, ô toi le vivant, Al Hayy Ismun, c'est un nom parmi les noms d'Allah. C'est celui qui a la vie complète et parfaite, celle qui n'a pas été précédée par le néant et qui ne sera pas rattrapée par la mort. Il a donc l'ensemble des attributs les plus complets, les plus parfaits. Al Qayyum, et celui qui subsiste par lui-même, il n'a besoin de personne. Et celui sans lequel personne ne peut subsister, c'est notre Créateur, notre Maître, Tabaraka wa Ta'ala, celui qui nous accorde notre subsistance et tout ce dont nous avons besoin. Bi rahmatika astarif, plus tu cherches le secours d'Allah Azza wa Jal en citant, en l'invoquant par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que nous éduque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous diriger uniquement et sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite d'être adoré est le vivant qui ne meurt jamais. Quant à celui qui est mort dans sa tombe, aussi pieux fut-il dans ce bas monde, ou celui qui est vivant et amené à mourir, ces gens-là ne méritent pas d'être adorés. Contrairement à ce qu'en font les adorateurs des saints et des tombeaux, en contredisant les plus grandes bases de l'islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le vivant qui ne meurt jamais, le seul qui mérite d'être adoré, le seul vers lequel nous devons nous diriger, afin qu'il dissipe tous nos soucis. Dans un troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Asma bint Umays, ne vais-je pas t'informer ou t'enseigner des paroles que tu pourras prononcer lorsque tu auras un souci? Il lui montre l'importance de cela. Il lui fait aimer cette invocation, puis il lui dit, dis, Allahu, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Tu répètes à deux reprises Allah, le nom d'Allah, puis tu dis Rabbi, donc Allah, ce qui signifie le seul qui mérite de la part de l'ensemble de ses créatures d'être adoré. Dhul uluhiyati wal ubudiyya ala khalqi ajma'in, comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhu. Puis tu répètes à nouveau Allah, afin que cela s'ancre dans ton cœur et que tu ne sois pas distrait, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil de l'évocation d'Allah et de son unicité, subhanahu wa ta'ala. Puis tu dis Rabbi, Allah est mon Seigneur, donc le seul que j'unifie à travers mes actes d'adoration. Puis après avoir proclamé, après avoir proclamé l'unicité d'Allah Azza wa Jal, tu te désavoues totalement du polythéisme en disant je ne lui assigne aucun associé, je ne lui donne aucun associé. Et celui qui concrétise le tawhid, il ne restera plus aucun souci, aucune tristesse dans son cœur. Car la vie des cœurs réellement se concrétise de par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'éduquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses compagnons lors de la difficulté et lors de la tristesse. Et pour conclure, une dernière invocation, et il y en a plusieurs, il y en a encore plus, l'invocation de Yunus alayhi salam alors qu'il avait été avalé par la baleine. Ce dernier était comme Allah nous le cite dans le Coran, dans trois ténèbres. Wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi wa nada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yunus alayhi salam, comme vous le savez, a été avalé par la baleine. Il s'est donc retrouvé dans trois ténèbres: les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer et les ténèbres du ventre de la baleine. Le simple fait d'être tombé dans la mer est une affliction, une grande difficulté. Personne ne peut l'imaginer, sauf celui qui a déjà été dans cette situation. Vers qui Yunus alayhi salam s'est dirigé? Qu'est-ce qu'il a invoqué, à qu'est-ce qu'il a abandonné son affaire? À Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a invoqué par son tawhid, en disant La ilaha illa ant, nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté toi. La ilaha illa anta subhanak. Oui, il a proclamé la pureté d'Allah azza wa jal devant tout défaut et toute imperfection et toute ressemblance avec ses créatures. Subhanak, ay unazzihuka ya Allah. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. J'étais certes du nombre des injustes. Trois choses qui sont unies dans cette invocation. Celui qui les concrétise, Allah Azza wa Jal, purifiera son cœur de tout souci, de toute tristesse. La première chose, la ilaha illa ant, at-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, subhanak, le fait de proclamer la pureté d'Allah Azza wa Jal. La troisième chose, inni kuntu min adh-dhalimin, j'étais certes du nombre des injustes, c'est-à-dire reconnaître sa faiblesse, son imperfection et ses fautes. Celui qui concrétise ces trois choses plus al-ubudiyya, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, comme l'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah Azza wa Jal fera disparaître l'ensemble de ses soucis et de ses problèmes. Voici la réponse à notre question. Donc délaissons les nombreux médicaments, délaissons le fait de compter sur les causes et dirigeons-nous uniquement et sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est le seul à pouvoir régler l'ensemble de nos soucis. Wa sallallahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma ashfi mardana radha al-muslimin. Allahumma ashfi mardana radha al-muslimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شيخ خير il y a deux familles qui sont éprouvées entre autres par la maladie de leur enfant. L'un a été brûlé hier au deuxième degré et il se trouve aux urgences. C'est un frère prédicateur connu de beaucoup d'entre nous. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accorde la guérison à son fils Abdurrahman. Le deuxième ou la deuxième est également malade et à l'hôpital. Donc on invoque Allah Azza wa Jal en leur faveur et en la faveur de l'ensemble des malades. Shafahumullah jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو تراسوا سدوا الخلل أقيموا صفوفكم وهادوا بين المناكب والأقدام استو لا تختلف فتختلف قلوبكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Les invocations citées dans la khutba, vous pouvez les trouver dans le livre Al-Kalim Al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah. Dans le livre Al-Kalim Al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. D'autres sont dans la citadelle.